Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrick, 48 ans, qui est consultant à l'accompagnement à la création d'entreprises et qui réside à Versailles. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, malgré le temps, mais ça va. Ah, c'est la deuxième fois que je te reçois. Pour les auditeurs fidèles, vous l'avez déjà entendu. Il est venu il y a quelques temps nous parler d'un bonheur dont je ne dévoilerai pas le contenu. Allez voir l'épisode. Mais donc aujourd'hui, tu viens nous conter un autre bonheur. Alors, est-ce que maintenant tu sais comment s'appellent les habitants de Versailles ou toujours pas ? Si, si. Oui. Les Versaillais. Oh, c'est joli en tout cas, n'est-ce pas ? Oui, exactement comme on dit, n'est-ce pas ? Bon, alors, est-ce que aujourd'hui, contrairement à l'autre fois, ton bonheur est en rapport avec Versailles ou toujours pas ? Ça sera plutôt avec ma femme. Avec ta femme. Donc, tu es mariée, chose que nous ne savions pas. Je l'apprends également. Oui. Oui. Je suis mariée. J'ai 3 enfants, dont 2 avec ma femme actuelle. Oh, ben, félicitations. Je ne sais pas quel âge ils ont, mais il n'est jamais trop tard. Oui. 4 ans, 2 ans et demi. Et la première, elle a 13 ans. Là, tu as toutes les tranches d'âge avec toi, l'adolescence, la petite enfance. Et, ouais. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites nous partager quant à cette belle famille ? En fait, le bonheur en soi, il est assez simple. Mais moi, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu avec ma femme, moi, mon bonheur est le suivant. Ce que j'adore, où je sens, où je suis super heureux, où j'ai l'impression d'être dans les nuages, et quand lorsqu'elle se blottit dans mes bras, elle vient recroqueviller dans mes bras. En fait, lorsqu'on nous sommes couchés, j'ai l'impression que je suis protecteur. Oui. Je protège de tout. Et puis, pour moi, c'est un vrai bonheur. Après, il y a d'autres bonheurs, quand elle sourit à mes blagues, elle rigole à mes blagues. En général, moi, c'est plutôt quand elle se blottit dans mes bras, et j'ai l'impression que je suis son protecteur. C'est un vrai plaisir. Waouh, alors là, Patrick, tu viens officiellement de faire fondre toutes les auditrices qui nous écoutent. C'est magnifique, ça, ce bonheur. C'est magnifique parce que c'est un bonheur du quotidien. Et qui dit quotidien, dit routine pour certains. Et qui dit routine, dit des choses qu'on ne voit plus, auxquelles on ne prête plus attention. Et là, tu viens de mettre le doigt dessus. Sur ces bonheurs qu'on dit simples, mais pas tant que ça, parce que ce sont des choses précieuses. Ce sont là, il s'agit d'un bonheur physique, émotionnel, même psychologique, puisque tu parles de protection. Et oui, les femmes, même quand elles se disent fortes, même quand elles se disent indépendantes, ont besoin de cette protection. Souvent, je ne vais pas généraliser hein, pour ne pas m'attirer les foudres de quelques-unes. Et toi, que ça te procure du bonheur, c'est étonnant et c'est plaisant d'avoir ce point de vue d'un homme qui présente ce moment comme ça, en fait. Et même tu parles de son sourire, ça veut dire que tu prêtes attention à toutes ces choses et c'est fort plaisant. Et tu vois, moi-même, ça me donne le sourire de t'entendre. Ah, mais c'est super important d'avoir rigolé. Des fois, bon, je sors des blagues avec des blagues d'enfants, mais l'avoir rire, mes bêtises, je suis content, ça me remplit de bonheur, en fait. C'est ça, c'est top. Waouh! Alors, pour ceux qui t'ont écouté, entendu la dernière fois, on avait vu que tu étais quelqu'un de modeste et tourné vers les autres. Bah, ça se confirme. Là, tu es tourné en plus vers ton épouse. Et c'est génial. C'est réconfortant. Bah, tu parlais de mauvais temps, tu vois, là, le bonheur que tu exposes est chaleureux. Il est chaleureux, ça réchauffe d'entendre de pareilles choses. Et est-ce que ce sont des moments qui arrivent souvent, régulièrement, ou bien pas trop ? Souvent, on va dire sur les derniers temps, souvent, dans le sens où, pour moi, c'est important, en fait, c'est pour moi, c'est important, c'est la base, ça permet de solidifier le couple. Lorsqu'une femme vient se blottir dans les bras d'un homme le soir, franchement, pour moi, le temps s'arrête, voilà, plus rien n'existe, voilà, c'est super important, et puis c'est beau, c'est agréable. Bon, tu dis le soir, mais ça a le même effet le matin, j'espère. C'est différent le matin, c'est différent parce qu'on n'a pas la même tête le matin, mais c'est différent. Et donc moi, je préfère le soir dans les blottis. Non, c'est totalement différent. En plus, tu disais que vous aviez des enfants, donc je suppose que le soir, ils sont couchés. Ça fait un moment un peu plus intime, non ? Exactement, il n'y a que nous. Il n'y a rien d'autre. Plus de télé, plus de bruit, Oui, voilà, c'est vraiment la sensation qu'on a en t'écoutant, une bulle, une parenthèse, où on n'a pas Exactement. forcément besoin de se parler. Enfin, c'est ce que je ressens en t'écoutant et qui fait juste du bien. Qui fait juste du bien, qui fait que toi, l'homme, tu assures le rôle que tu considères avoir et que tu te sens bien de pouvoir protéger cette personne que tu aimes. Messieurs qui nous écoutez, j'espère que vous en prendrez de la graine, hein, et mesdames, n'hésitez pas à leur faire écouter ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours, par fierté, parfois on n'a pas toujours le réflexe de dire à nos hommes, quand on en a, ben, c'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qu'on veut, juste ce petit moment, cette petite parenthèse enchantée. Donc voilà, là, tu as parlé pour les hommes et pour les femmes, merci. Je t'en prie. Eh bien, écoute, je te souhaite d'avoir encore des moments comme ça, bah, jusqu'à la fin de votre vie, hein, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et de venir encore nous partager d'autres moments comme ça avec elle, avec tes enfants ou qui tu veux. C'est toujours un plaisir, c'en était un la première fois et c'en est un encore aujourd'hui, donc n'hésite surtout pas. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, prends grand soin de toi et de tous ceux que tu aimes, et je te dis à très très vite. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.